ma mère, j'ai pas démarré. J'fais des flashs sur la belle scène, j'me retrouve qui est sur le jarret. Toujours bourré sur les tentes, mais t'inquiète, poteau, demain j'arrête. J'fais la promo au carplay, c'est de la bombe, partout il s'arrête. T'entends les vroom vroom vroom, y'a un cortège de mariage. Les schmichis zoom zoom zoom, sous le Prado carénage. T'entends la ta ta ta, quand t'es un gadjo, il se manque. 2 millions, pla pla pla, villa sur les calanques. J'ai rallumé les palettes, ça fume la frappe, le caramel. Lâche un feu de paki, wesh wesh, tu veux la faire à qui, wesh wesh. Tu veux m'apprendre la vie, wesh wesh, qu'est-ce que tu me baisses qui, wesh wesh. Lâche un feu de paki, wesh wesh, tu veux la faire à qui, wesh wesh. Tu veux m'apprendre la vie, wesh wesh, qu'est-ce que tu me baisses qui, wesh wesh. J'ai chargé le sac la coste, là j'bouge en graisse, ici ça m'adore. Et j'suis toujours fidèle au poste, il m'faut la bagagerie Louis Vuitton. J'fais de la musique comme Johnson, pour faire un son il m'faut un quart d'heure. J'fais des albums de malade, un packaging, elle pointe du téton. J'suis dans les bails de gros sous, pas de pas visa électron. 50 000 dans le gamo, c'est mon direct, même pas de question. On investit de partout, des débrouillards dans la gestion. Qu'est-ce que t'as pris des cachetons, on dirait un fou dans ta gestion. J'ai rallumé les parallèles, ça fume la frappe, le caramel. Lâche un feu de paki, wesh wesh, tu veux la paire à qui, wesh wesh. Tu veux m'apprendre la vie, wesh wesh, qu'est-ce que tu me baisses qui, wesh wesh. Lâche un feu de paki, wesh wesh, tu veux la paire à qui, wesh wesh. Tu veux m'apprendre la vie, wesh wesh, qu'est-ce que tu me baisses qui, wesh wesh. Lâche un feu de paki, wesh wesh, tu veux la paire à qui, wesh wesh. Tu veux m'apprendre la vie, wesh wesh, qu'est-ce que tu me baisses qui, wesh wesh.